patriarche et tous les humains de la mer. Le pape au Vatican, ma foi, n'est pas pilote, dites-moi. Sympa les gars d'avoir donné paradis aux fauchés. Et qu'est-ce qu'on fait pour être heureux sans écus sous leur ciel? Bonne fée va dire au bon Dieu qu'il fasse tourner ma vieille. Et s'il fait mine de ne pas entendre, va droit dire à celui d'en bas que s'il payait mieux à prétendre, je lui préférerais cela. Que m'importe les ministres, les présidents de la République, en fait que m'importe ces histrions peu sympathiques. Moi qui suis simple saltimbanque, interdit dans leur banque. Et qu'est-ce qu'on fait là tous les deux à perdre le sommeil? Bonne fée va dire aux nantis que ma vielle est ici. Et s'ils font mine de ne pas entendre cet air que l'on entonne, on reviendra se faire comprendre avec des sonotones. En faisant fi de tous ces cuistres, au jour le jour, bravant la loi, j'ai pas vu que mon chien était triste. Et ma femme aux abois, d'après les dires de grand-papa, j'avais pas fait le bon choix. Et qu'est-ce qu'on fait pour se tirer quand on n'a pas de billet? Bonne fée va dire aux huissiers que je ne peux pas payer. Ça fait longtemps que mon portefeuille est vide et qu'il ne me sert plus. Je n'ai plus rien, ils l'ont dans l'air, c'est sans doute un malentendu. Je n'écoute plus les gens tristes, ni les fatales de prophétie. Depuis que plus aucun sinistre, aucune avarie, ne peut plus prendre mon bateau qui a coulé tantôt. Trop loin du quai mal indiqué, je me sens par-dessus bord. Bonne fée va dire aux marées de bénir les renforts. De Carcassonne, qu'elles inondent les rues à hauteur d'oriflamme, qu'elles noient tout le monde à la ronde depuis le temps que je rame. Partout l'on a pu écrire des lois pour nous civiliser, les juges n'ont jamais empêché la faim ni le froid de sévir. En revanche, ils font loi permettant d'interdire de chanter dans les rues. Peut-être bientôt de naître nu, le monde était pas temps. Peut-être bientôt de naître nu, on en demandait